Bien bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là à chaque semaine, et oui, à vous offrir comme ça un 2 heures de musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, j'ai du Edith Buckler, j'ai aussi du Joseph Edgar, du Lisa Leblanc. L'album La Semaine, c'est l'album d'une des membres des Chiclets, Julie Kim, son album Portrait. On va entendre aussi une belle surprise de Sugar Crush. On va entendre une nouveauté de McLean. Côté instrumental, Sean Ferguson, Éric Saint-Laurent, Louis Trudel. Et pour l'Ouest canadien, un peu de nostalgie, vous allez comprendre. Donc, bougez pas, je vous reviens dans quelques secondes avec le début de l'émission, c'est-à-dire le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Donc, merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chéticamp, WIFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, oui. CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser cette émission. Merci à tous les auditeurs de ces régions-là. Et bien sûr, commentaires, suggestions ou contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, CDN, au commercial gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. Une nouveauté, un nouvel extrait d'un album qui s'appelle Cultiver l'amour de la charmante Amélie Hall. Je pense que c'est le troisième extrait de cet album-là. Ça va très bien pour elle. Très belle chanson. Paroles et musique, Amélie Hall. Mon cœur en Acadie. Vraiment une très belle balade country. Assez intéressant, merci. Ça va être suivi de Aimer la vie d'Edith Buckler. Edith Buckler qui était à l'émission sur Radio-Canada, là, l'émission Les Échangistes. Elle a chanté Tiga avec Lisa Leblanc. Et pour une femme de 72 ans, à notre dent, vraiment, Edith là, est vraiment charmante. C'est bien le fun à voir aussi live. Elle joue de l'harmonica, tout. On va écouter un beau succès dans son album Retour, Aimer la vie. J'ai rangé dans ma valise tous les morceaux de mon histoire. Dernière fois, senti la brise, celle du large qui perce ma mémoire. J'ai laissé tout derrière pour aller voir ailleurs. Des fois que j'ai changé d'air, ferait que ma vie serait meilleure. Dépasser mes frontières, vu le monde qu'une chose a déclaré. J'ai laissé mon Oh, s'éloigne souvent de ce qu'on aime. Des bagages pleins d'espoir et avec beaucoup de rêves. Comme si la vie était une course contre l'amour. Et que le trésor est caché dans ta cour. J'ai cherché bien trop loin pour trouver le chemin qui me ramène à la terre, à la vie, à la mer. J'ai fouillé tous les coins, remonté les rivières. Y'a rien à faire, j'ai laissé mon cœur en Acadie. Cette écharpe rose que tu m'avais offerte et que je pose sur mes épaules découvertes les soirs de fraîcheur. La forêt se fait verte et les oiseaux concertent et leur chant pénètre par ma fenêtre ouverte et se mêle à l'odeur des roses à peine sur la descente. Aimer la vie, oh. Aimer la vie. Aimer la vie, est-il permis d'aimer la vie comme je l'aime? Quand tout autour la guitare flambe et le monde explose. Et ce cancer qui frappe en pleine apothéose. Aimer la vie quand même, est-il folie d'aimer mon petit coin de terre, mon champ de blé qui prend la pause quand vient l'été et se métamorphose en océan gelé quand revient l'hiver. Ce soir j'ai retrouvé mon petit air perdu et j'en ai fait une chanson, une de plus. Aimer la vie, est-il permis d'aimer la vie comme je l'aime? Est-il permis d'aimer l'amour comme je t'aime? Est-il permis d'aimer l'amour comme je vous aime? Comme je le vous disais, elle était la chère Edith à l'émission Les Échangistes en duo avec Lisa Leblanc sur la chanson Tiga qu'on va entendre dans quelques instants. C'était spécial. Deux générations de femmes exceptionnelles. Vraiment, c'était vraiment bien fait. La chère Edith. Puis on l'aime comme ça. Donc, Lisa Leblanc, on va l'entendre dans quelques instants. Juste vous dire que, bon, bien sûr, c'est l'année prochaine, mais ça en vient vite. Le CMA, c'est-à-dire Congrès mondial acadien 2019, c'est ça, en 2019. Et c'est Lisa Leblanc qui prend une année sabbatique en passant. Elle arrête de faire de la scène pour se reposer un peu puis faire quelques petits projets comme ça assez intéressants, dont la directrice artistique du 15 août 2019 à Moncton dans le cadre du Congrès mondial acadien. Donc, c'est à suivre. On va l'entendre avec justement Tiga. Par la suite, on va entendre Boule Miroir de Joseph Edgar qui sera le directeur artistique de l'espace Extrême Frontière dans le cadre du Congrès mondial acadien de 2019. Petite parenthèse, M. Edgar s'est retrouvé à l'hôpital récemment, mais ça semble que ça va bien. Il semble bien se rétablir. On lui souhaite prompt rétablissement. Et aussi, on va entendre BB Box, nouveauté de Vichten qui nous prépare un album pour l'automne. Emmanuelle Leblanc, elle sera la directrice artistique de l'ouverture du Congrès mondial acadien. Et pour terminer, le Congrès mondial acadien, c'est Georges Béliveau qui sera en charge de la fermeture. Donc, je vous rappelle, on va entendre Vichten, BB Box, une nouveauté d'un album qui s'en vient, je pense, à l'automne. Ils sont en train de travailler dessus en ce moment. Et c'est le premier extrait qu'on nous propose. Assez intéressant, merci, vous allez voir. C'est du Vichten à son meilleur. Donc, on va entendre ça avec grand plaisir. Et on va terminer le bloc des Maritimes, pourquoi pas, avec la chanson thème retenue pour le Congrès mondial acadien de 2019. C'est « Acadie de mon cœur », qui était, la première chanson du premier Congrès mondial acadien. Mais là, on le reprend avec différents artistes, donc c'est vraiment bien fait. On va l'entendre en fin de bloc. Mais on commence ce bloc-là avec Lisa Leblanc, qui prend une sabbatique, mais toujours bien occupée. Voici Tiga. Tiga, t'es parti.